Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Un chaton qui mange des fraises, une araignée qui s'éveille à 3 heures du matin et descend de sa toile, centimètre par centimètre, pour boire. Qui pouvait ainsi observer avec amour les animaux? Et puis, la nécessité des déménagements, même si l'on est sédentaire par goût, mais peut-être pour le plaisir de commencer, dès la première nuit, une nouvelle vie, un nouveau lieu, alors qu'il y a tant de gens qui aimeraient mieux mourir que déménager. Beau langage, belle lecture, présentation d'Henri-Charles Richard, qui proposait sur Paris Inter en 1947 une lecture de texte par son auteur même. Colette a dit elle-même, écrire, plaisir et souffrance d'oisif. Jeu périlleux et décevant pour saisir et fixer le chatoyant, le fugace, le passionnant adjectif. Il faut trop de temps pour écrire. Et puis je ne suis pas Balzac, moi, le comte fragile que j'édifie ses miettes quand le fournisseur sonne. Pourtant, j'avais savouré, en mettant celui-là au monde, la volupté d'écrire, la lutte patiente contre la phrase qui s'assouplit, s'assoit en rond comme une bête apprivoisée, l'attente immobile, l'affût qui finit par charmer le mot. Et puis une autre fois, elle lancera simplement cette boutade. Est-ce que j'écris, moi? Sans doute est-elle chaque fois sincère. Elle écrit avec tout ce que cela comporte d'apprentissage et de métier, mais elle laisse en même temps libre cours à une verve naturelle. Il en résulte un art complexe sous des apparences directes, aussi complexe que l'œuvre elle-même de Colette est variée. Tantôt ce sont des impressions, des souvenirs qui semblent s'ordonner d'eux-mêmes, suivant leur fantaisie. Il y a peu d'action. Ici, l'art consiste à percevoir plutôt qu'à bâtir. Tantôt ce sont des romans bien construits, encore qu'avec souplesse. Des drames rigoureux comme Chéri ou Le blé en herbe. Mais la variété de l'œuvre n'est pas seulement dans l'écriture. Elle est aussi dans l'inspiration. Et ce sont les livres sur les bêtes, ou les tableaux colorés de la faune parisienne, humaine celle-ci, ou encore les analyses de l'amour. Le goût des bêtes, s'il est naturel chez Colette, sans doute le tient-elle en partie de sa mère, qui avait le respect des créatures vivantes, dit-elle dans La naissance du jour. De la maison natale, féerique et simple, et dont elle nous rend l'atmosphère dans la maison de Claudine. Mais comment mieux connaître cette maison et ses bêtes que par l'accent même de Colette, lorsqu'elle nous lit un passage de la maison de Claudine. À 16 ans, revenant en puiseuil après une quinzaine de Paris, je retrouvais, après avoir connu ses cubes sans jardin, ses logis sans fleurs, où nul chat ne miaule derrière la porte de la salle à manger, où on n'écrase pas devant la cheminée un coin de chien traînant comme un tapis, je l'ai retrouvé. Ensemble, je saluais inséparables ma mère, le jardin et la ronde des bêtes. L'heure de mon tour était justement celle de l'arrosage. Je chéris encore cette sixième heure du soir. L'arrosoir vert qui mouille la robe de satinette bleue, la vigoureuse odeur de l'humus, la lumière déclinante qui s'attachait rose à la plage blanche d'un livre oublié, aux blanches corolles du tabac blanc, aux taches blanches de la chatte dans une corbeille, Nonoche, la chatte aux trois couleurs, avait enfanté l'avant-veille, et Bijou, sa fille, la nuit d'après. Et quant à Musette, la chienne havanaise, elle était intarissable en bâtard. Va voir, Minet chérie, le nourrisson de Musette. Je m'en fus à la cuisine, où Musette nourrissait en effet un monstre, à robe cendrée, encore presque aveugle, presque aussi gros qu'elle. Un fils de chien de chasse qui tirait comme un veau sur les tétines délicates d'un rose de fraise dans le poil d'argent et qui foulait rythmiquement de ses pattes déjà onglées un ventre soyeux qui l'eût déchiré si ma mère n'eût taillé et cousu pour lui dans une ancienne paire de gants blancs des mitaines de daim qui lui montaient jusqu'au coude. Je n'ai jamais vu un chiot de 10 jours ressembler autant à un gendarme. Que de trésors éclos en mon absence. Je courus à la grande corbeille débordante de chats indistincts. Cette oreiller orange était de Nonoche, mais à qui ce panache de queue noire, Angora? Une longue patte sèche et fine, comme une patte de lapin noir, menaçait le ciel. Un tout petit chat tavelé comme une jeunette dormait repu le ventre en l'air sur ce désordre. je démêlais heureuse ces nourrices et ces nourrissons bien léchés qui fleuraient le foin et le lait frais, la fourrure soignée, et je découvrais que Bijou, en 3 ans 4 fois mère, portait à ses mamelles un chapelet de nouveau-né et suçait elle-même avec un bruit maladroit de sa langue trop large le lait de la vieille nonoche inerte d'aise, une patte sur les yeux. L'oreille penchée, j'écoutais celui-ci grave, celui-là argentin, le double ronron, mystérieux privilège du félin, rumeur d'usines lointaines, bourdonnement de coléoptères prisonniers, un moulin délicat dont le sommeil profond arrête la meule. Je n'étais pas surprise de cette chaîne de chattes s'allaitant l'une à l'autre, à qui vit au champ et se sert de ses yeux, tout devient miraculeux et simple. Il y a beau temps que nous trouvions naturel qu'une lisse nourrit un jeune chat, ou qu'une chatte choisit pour dormir le dessus de la cage où chantaient des serins verts qui parfois tiraient du bec au profit de leur nid quelques poils soyeux de la dormeuse. Une année de mon enfance se dévoie à capturer dans la cuisine, dans l'écurie à la vache, dans l'écurie au cheval, les rares mouches de l'hiver, pour la pâture de 2 hirondelles, une couvée d'octobre jetée bas par le vent. C'est à cause de cette couvée et de ses soins constants que je sais combien l'hirondelle apprivoisée passe en sociabilité insolente le chien le plus gâté. Les deux nôtres vivaient perchés sur l'épaule, sur la tête, nichés dans la corbeille à ouvrage, courant sous la table comme des poules et piquant du bec le chien interloqué et piaillant au nez du chat qui perdait contenance. Que tout était féerique et simple parmi cette faune de la maison natale. Vous ne pensiez pas qu'un chat mangeait des fraises? Eh bien, moi, je sais, pour l'avoir vu tant de fois, que ce satan noir, interminable et sinueux comme une anguille qui s'appelait Babou, choisissait en gourmet dans le potager de Madame Pommier, notre voisine, les plus mûres des caprons blancs et des belles de juin. On vous a raconté que l'araignée de Pélisson fumait l'omane? Ce n'est pas moi qui m'en étonnerai, mais je verserai ma mince contribution au trésor des connaissances humaines en mentionnant l'araignée que ma mère avait, comme disait mon père, dans son plafond, cette même année qui fêta mon 16e printemps. Une belle araignée des jardins, ma foi. Le ventre en gousse d'ail, barré d'une croix historiée, elle dormait ou chassait le jour sur sa toile tendue au plafond de la chambre à coucher. La nuit, vers 3 heures, l'araignée s'éveillait, prenait ses mesures d'arpenteur et quittait le plafond au bout d'un fil, droit au-dessus de la veilleuse à huile où tiédissait toute la nuit un bol de chocolat. Elle descendait, balancée mollement comme une grosse perle. Elle empoignait de ses 8 pattes le bord de la tasse, se penchait tête première et buvait jusqu'à satiété. Et puis elle remontait, lourde de chocolat crémeux, avec les haltes, les méditations qu'impose un ventre trop chargé, et elle reprenait sa place au centre de son gréement de soie. Couverte encore de mon manteau de voyage, je rêvais et je reconquérais mon royaume. Où est ton araignée, maman? Les yeux gris de ma mère, agrandis par les lunettes, s'attristaient. Tu reviens de Paris pour me demander des nouvelles de l'araignée, ingrate fille. Viens voir, viens. L'araignée dort à cette heure-ci. Et ma chenille, la nouvelle chenille, est peut-être endormie. Je crois bien qu'elle va devenir chrysalide. Je lui ai mis une petite caisse de sable sec. C'est une chenille de pont de nuit qu'un oiseau avait dû blesser au ventre, mais je l'ai guérie. La chenille semblait en effet dormir, moulée selon la courbe d'une branche de lissier. Son ravage autour d'elle attestait sa force. Il n'y avait que lambeaux de feuilles, pédoncules rongés, surgeons dénudés, dodus, grosses comme un pouce. Longues de plus d'un décimètre, il gonflait ses bourrelets d'un vert de chou, cloutée de turquoise saillante et poilue. Je la détachai doucement. Elle se tordit coléreuse, montrant son ventre plus clair et toutes ses petites pattes griffues qui se collèrent comme des ventouses à la branche où le lard posait. Mais maman, elle a tout dévoré. Les yeux gris derrière les lunettes allaient du lissier tondu à la chenille, de la chenille à moi perplexe. Et qu'est-ce que j'y peux faire? D'ailleurs, le lissier qu'elle mange, tu sais, c'est lui qui étouffe le chèvrefeuille. Mais la chenille mangera aussi le chèvrefeuille après. Je ne sais pas. Mais que veux-tu que j'y fasse? Je ne peux pourtant pas la tuer, cette bête. Tout cela est encore devant mes yeux. Le jardin au mur chaud. les dernières cerises sombres pendues à l'arbre, le ciel palmé de longues nuées roses. Tout est encore sous mes doigts, la révolte vigoureuse de la chenille, le cuir épais et mouillé des feuilles d'hortensia et la petite main durcie de ma mère. Le vent, si je le souhaite, froisse le raide papier du faux bambou et chante pour accompagner dignement la voix qui a dit ce jour-là et tous les autres jours jusqu'au silence de la fin des paroles qui se ressemblaient. Il faut soigner cet enfant. Ne peut-on sauver cette femme? Est-ce que ces gens ont à manger chez eux au moins? Et je ne peux pourtant pas la tuer, cette bête. Si elle a gardé le goût des bêtes, Colette n'est pas restée dans la maison natale. Elle a même un autre goût très développé, celui des déménagements qui, dit-elle, sont nécessaires. C'est avec humour qu'elle décrit ses déménagements dans 369, un titre qui est tout un programme. Prestige des souvenirs, amour des bêtes, humour, ce sont quelques aspects de son œuvre. Nous aurons dans une prochaine émission l'occasion d'en connaître d'autres. Mais écoutons Colette nous lire elle-même un passage de 369. Seuls peuvent parler du déménagement les sédentaires par goût dont je suis. Encore faut-il qu'ils aient acquis, en dépit d'un fort attachement au lieu qu'ils habitent, l'accoutumance de le quitter. Quand un logis a rendu tout son sucre, la simple prudence conseille de le laisser là. C'est un zeste, c'est une écale. Nous risquons d'y devenir nous-mêmes la pulpe, l'amande, et de nous consommer jusqu'à mort comprise. Plutôt repartir et courir l'aventure de rencontrer enfin l'abri qu'on n'épuise point, tous les périls sont moindres que celui de rester. En foi de quoi, j'ai donc déménagé. Et puis j'ai encore déménagé. Et bien d'autres fois déménagé. Et non pas par caprice, par force, souvent. D'autres fois par hygiène morale. Si le fonds mobilier pas bien lourd que je traîne y a gagné des horions et des cicatrices, eh ben tant pis pour lui. Le contact relativement fréquent avec les paniers à livres et à vaisselle, avec la paille qui sent la cavalerie, avec les hommes bardés de la taillole en laine, experts à charger sur leur dos d'une seule prise de catch les bahuts et les buffets, avec leurs casse-croûtes et leurs litres de vin violet, bref, la connaissance d'une corporation qui manie aussi adroitement l'armoire à glace et le petit bâton en verre pilé, me fut profitable. Et quel bon massage qu'un tremblement de terre chaque fois. À qui ne les voit qu'une fois en 30 ans, l'aspect des déménageurs, leur présence, leurs actes sont rébarbatifs. En tout, il faut l'entraînement. Et puis vient après lui une sorte de délectation. Celle-ci naît parfois sans qu'on l'attende du pire moment. Je veux parler de la dernière heure du transfert. Les voitures chargées partent. L'une convenable, de construction assez récente et même automobile. Les deux autres sont toujours d'informes tapissières scellées avec des cordes, attelées de bêtes tristes. Vous restez seuls. Nous restons seuls. Vous, moi, nous, les migrateurs, enfin. Dans le logis que l'on trahit, parmi les fétus de paille, les coups tordus, un cadre qui n'a que trois côtés. Ce tabouret dépaillé, on le laisse? Oui, on le laisse. La concierge en fera ce qu'elle voudra. Les murs, étrangement sonores et nus, vous rejettent vos dernières paroles. Elles ressemblent pas mal aux dernières paroles que j'ai prononcées tant de fois. Où est la chatte? La chatte? La chatte n'est pas là. Si, la chatte est sous la baignoire. La chienne éternue, naturellement, elle a pris froid. Depuis 5 heures du matin, tout est ouvert ici. Mais non, c'est pas parce qu'elle a pris froid, c'est à cause de toute cette poussière remuée. Oh, c'est bien la dernière fois que je choisis des papiers de tenture aussi clairs. Regarde les panneaux que le soleil a décolorés. Prends la chatte au moins. Et donne-moi la lèche de la chienne. Ah ben oui, mais qui est-ce qui va porter l'ex-voto de Notre-Dame de Liège qui est si fragile? Pas moi, madame. Un coup que je le casserai, eh ben madame m'en dirait. Allez, descendons, descendons, on gèle ici. Où est-ce qu'on va déjeuner en attendant les voitures? Oh, on a le temps d'y penser. Entre les deux domiciles, il n'y a plus que la place du trajet en taxi. Un grelottement d'exilés nous secoue. La chatte a faim. La chienne réserve son opinion. Une vie commence ce soir dans un lieu inconnu, dans des lits froids. Oui, mais c'est une vie nouvelle. C'est le soleil qui marquera sur le mur un chemin nouveau, des sons nouveaux au lever du jour, une chambre nouvelle de travail qui regardera le sud. En route, notre aventure. D'un arrondissement à l'autre, vaut une traversée. Tiens la chatte, hein? Ne lâche pas l'ex-voto. Attache le vieux baromètre autour de ton cou, avec la laisse de la chienne. Comme ça, tu auras les mains libres. pose la couverture sur mon épaule pendant que tu payes le taxi et ne t'inquiète pas du reste, allez, en route. Mais qu'est-ce que tu as bien pu mettre de si lourd dans cette valise? Depuis 48 heures, aucun de nous n'a dormi, n'importe. Les horizons vierges sont ouverts, en route. J'ai des amis qui peuvent passer pour ça d'esprit, mais oui. Sauf qu'à l'idée du déménagement, ils serrent les paupières, ils remontent les épaules, ils mettent leurs mains sur les oreilles, ni plus ni moins que sur le pont des Arts par un jour de grand vent. Les bibliophiles souffrent préventivement plus que les autres. Et dû sa maison crouler, et dû l'étage supérieur abriter une école de danse et un conservatoire de chant, il y a des gens qui aiment mieux mourir que de déménager. Je me rappelle encore, sans mépris de moi-même, le temps où je couvais comme une maladie dans un logis nouveau mon refus d'emménager et de déménager. Et j'étais là, inerte, entre des rideaux pliés et sommeillants, des caisses fermées, un sommier divan, un tapis roulé qui venait de loin et refusait de faire un pas de plus, et une perpétuelle envie de pleurer aussi difficile à maîtriser qu'une incontinence. Je couchais sur le bord du sommier divan, je déroulais le matin un coin du tapis, je soulevais un rideau plié qui entrechoquait ses anneaux de cuir avec un puits d'almé. Il faisait nuit dans la salle à manger et les cabinets sentaient la fuite de gaz. Un jour, l'honorabilité, la mienne, prit le dessus. En une semaine, le bouge, l'appartement d'après le crime, la case pour divorcer pauvre, la couveuse à spleen, devint un petit troisième assez laid et accueillant. La commode toilette qui fermait, injuriait la vue, disparut comme un mauvais songe, et son fidèle seau en émail bleu la suivit. Je sacrifiais à mes exigences d'hygiène une petite chambre où je portais la douche en collier et la verveine en friction, et j'adoptais pour la première fois mon premier appartement. Vous avez entendu une production du Club d'essai, Beau langage, belle lecture. Henri-Charles Richard vous a présenté quelques pages de Colette, lues par elle-même. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur Paris Inter en 1947. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.